بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الرابع والستين بعد المئة 164 لسون. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال السابع عشر وخمسمائة بعد ألف 1517 ما عقوبة من تسمع ومن يسمع حديثكم وهم لهم كارهون. Quelle est la punition de celui qui écoute la conversation de gens alors que cela leur déplaît? Quelqu'un qui écoute, qui ne le regarde pas, les gens sont en train de discuter entre eux et lui l'écoute alors que les gens ne veulent pas qu'il écoute, qu'il entende ce qu'ils ont à dire. في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع لحديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الأناك يوم القيامة رواه البخاري. Que celui qui cherche à écouter ce que les gens disent alors qu'eux l'évitent, d'accord, et lui cherche à écouter ce qu'eux ils disent, qu'il lui sera versé du plomb fondu dans les oreilles le jour de la résurrection. Donc c'est parmi les grands péchés de faire cela. Et ce qu'on s'appelle dans le foudoul, on appelle ça du foudoul en arabe, ce qu'on appelle la curiosité, qui est un très mauvais défaut. Et comme dans le hadith mursal, qui est la parole d'Abu Huraira, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, parmi le bon islam de la personne, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Une chose qui ne te regarde pas, ne cherche pas à la connaître et à l'écouter. Elle va rien t'apporter si ce n'est des problèmes. Et tu vas, en même temps, causer la colère des gens. ثم قال في السؤال الثامن عشر وخمسمائة بعد ألف 1518 question أذكر خمسة آداب يعلم يعملها المسلم في الليل. Il dit cite 5 comportements à avoir pour le muslim la nuit. Ils sont cités dans le hadith de Jabir رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. Il a dit que lorsque la nuit tombe, alors enfermez vos enfants à la maison, car les shayatin se propagent à ce moment-là. فإذا ذهب الساعة من الليل فحلوهم. Et que si jamais un certain temps après passe, vous pouvez les laisser sortir. Bon, première chose, on retient les enfants à l'heure du Maghreb. فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Il a dit fermez les portes et dites le nom d'Allah Azza wa Jalla, car Shaitan ne peut pas ouvrir une porte qui est fermée. وَأَوْقُوا كِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. Il a dit couvrez vos récipients qui contiennent de l'eau et citez le nom d'Allah Azza wa Jalla. خَمِّرُوا أَنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. Et recouvrez également les récipients qui contiennent de la nourriture. Et citez le nom d'Allah, Azza wa Jal. وَلَوْ أَن تَوْلِدُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَاتْفِئُوا مَصَاحِبَكُمْ أَوْ مَصَابِحَكُمْ. طيب, donc le fait de recouvrir un récipient, elle a dit وَلَوْ أَن تَعْرُدُوا عَلَيْهَا شَيْئًا. Le fait, par exemple, tu n'as pas de couvercle sur ton par exemple, je sais pas moi, tu as une boîte avec de la nourriture, tu n'as pas de couvercle, tu poses ne serait-ce qu'une chose, un bâton par-dessus. Mettre une chose par-dessus, quelconque, si tu n'as rien qui le recouvre, quelconque objet, tu le mets par-dessus en disant Allah, en disant Bismillah. D'accord? Et également éteignez les feux. Là, à l'époque, vous savez, c'était pas avec des ampoules comme on a actuellement, il n'y a pas de courant, c'était des lanternes avec du feu, du pétrole, ou de l'huile, comme on dit. Donc il faut éteindre le feu, car le feu est un ennemi pour nous, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, et que cela peut causer que la maison prenne feu. Surtout avec la présence de rats, qui sont les fourrés et les sicards qui viennent, comme des hadiths sont venus. Certains sahabas ont connu la mort à cause de cela. Le rat est rentré chez eux, il a fait tomber la lanterne, et ça a mis le feu à la maison, et ça a brûlé ses habitants. Voilà le moustahab. Donc toute chose qui propage du feu, ne pas dormir avec le feu allumé. Par exemple, quelqu'un il dort, il a fait un plat, le feu est allumé sur la gazinière ou le four, cela n'est pas permis. Il doit l'éteindre. C'est très dangereux. ثم قال في السؤال الرابع وعشرين وخمسمائة بعد ألف 1524 question. إلى ماذا ينظر الله من العبد؟ Quelle chose que Allah regarde sur le serviteur? 1524 question. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى سؤالكم وأشتامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. que Allah ne regarde pas votre image, ni vos corps, mais qu'il regarde le contenu de vos cœurs ainsi que vos œuvres, apportées par musulmans. C'est ça que Allah il regarde. Donc une personne qui est belle en soi, d'accord, Allah va regarder ton acte et pas ta beauté en soi. À part quelqu'un qui s'embellit par les moyens que Allah lui a donné, ça c'est une beauté qui est relative. D'accord, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est beau pour les gens, car cette beauté-là c'est une chose que Allah accorde à des gens. Des gens ont été créés d'une beauté et d'autres n'ont pas eu cette même beauté-là. Cette beauté-là n'a aucun mérite en soi par rapport au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il parle de la beauté, ce que Allah il aime, c'est lorsque la personne se met propre sur elle. C'est une chose que tout le monde peut faire ça. Et chacun en mesure de ses moyens. D'accord ? Donc de là, Allah il aime voir cela sur son serviteur. Mais il regarde également le cœur, c'est-à-dire l'intention qu'on a en faisant cela. C'est quoi l'intention ? Et les œuvres que l'on fait. Car des gens disent, la foi est dans le cœur. On dit, naam, mais cette foi se retransmet à travers les actes. Comme dans ce hadith, le prophète ce hadith-là. Donc le fait de ne rien faire, de faire du mal, de dire ma foi est dans mon cœur, ne me juge pas, je dirais moi je ne juge pas ton cœur en soi, mais je juge tes actes, et tes actes sont un indice qui montre que ton cœur il est malade, et que ton cœur il a un problème. Voilà Musta'an. Et ça c'est souvent la phrase des gens qui sont faibles, ne me jugez pas. D'accord ? En islam on juge les actes des gens, si, en effet, on juge. Mais on juge selon les preuves que Allah Azzawajal nous a données. Le voleur on l'appelle un voleur, le mécréant on l'appelle un mécréant. Le fornicateur, on l'appelle le fornicateur. Et il a une sentence qui s'applique sur lui. Le menteur est un menteur. On juge les gens par rapport aux actes qu'ils font. Tu ne veux pas être jugé en mal, ne fais pas d'actes qui amènent à cela. Mais ne dis pas, tu fais du mal, tu ne me jugez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Seul Allah me jugera. On dit naam. Mais Allah nous a dit de te conseiller et de te critiquer pour ces actes que tu fais là. Donc si jamais tu acceptes, soi-disant, le jugement d'Allah Azzawajal, si tu es sincère, tu dois accepter le fait qu'il ait donné à ses serviteurs le droit de te critiquer pour ces actes-là. C'est les mêmes seigneurs. Donc si jamais tu rejettes un et tu acceptes l'autre, c'est-à-dire que tu n'es pas sincère dans tes prétentions. Tu n'es pas sincère dans tes prétentions. Et ça, c'est une chose qui est très fréquente chez beaucoup de gens, chez beaucoup de choses, surtout chez les gens qui font beaucoup de péchés. Si tu fais des péchés, fais tawba. Repends-toi. Allah aime cela. Et si jamais tu ne veux pas te repentir, eh ben assume que les gens parlent sur toi. C'est tout à fait logique. ثم قال في السؤال الخامس وعشرين وخمسمائة وألف 1525e question. إلى كم يضعف الله الحسنة؟ En combien est-ce que Allah multiplie les hasanat, c'est-à-dire la récompense tirée d'une bonne action. Comme dans le hadith d'Ibn Abbas, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى dans un hadith qu'on sait que Allah dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. In hamma bi hasanatin fa amilaha kataba Allahu azza wa jalla 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'afin ila ad'afin kathira. Que celui qui veut faire une bonne action et qui l'accomplit pour de vrai, que Allah lui écrit auprès de lui 10 hasanat jusqu'à 700, voyez, dédoublés. C'est-à-dire qu'une bonne action peut te coûter 10 hasanat, voire plus encore. Alors que la mauvaise action, elle, n'en vaut qu'une seule. Comme Allah Ta'ala, Man jaa bil hasanatin falahu 'ashru amthaliha. Celui qui a une hasanat, il l'aura décuplé en 10 fois. Wa man jaa bil hasayatin fala yujza illa mithlaha. Et que celui qui a une mauvaise action ne sera rétribué qu'en fonction de cette mauvaise action, la faqat, seulement. Adam. ثم قال في السؤال سؤال الثلاثين بعد خمسمائة وألف 1530e question. هل يفرح الله بتوبة العبد؟ Est-ce que Allah est content du repentir de son serviteur? Dans le hadith de Anas ibn Malik, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سكت على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. Que Allah est encore plus content, c'est-à-dire le fait d'être content parmi les attributs d'Allah Azzawajal, du repentir de son serviteur, que l'un d'entre vous qui était sur sa monture dans le désert, il est tombé de sa monture, il a perdu sa boisson, sa nourriture, il a désespéré. Donc dans quelle situation difficile il se trouve? Et au moment où il voit sa monture, il est atteint d'un réjouissement, d'une joie qui est immense, au point qu'il dit Allah, ya Rabbi, oh Allah, anta abdi ana rabbuk. Tellement il est content, il se trompe, il dit que tu es Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Tellement il est content dans l'erreur. Et malgré cela, que Allah est encore plus content du repentir de son serviteur que de cet homme-là, dans cette situation-là. Donc qu'en est-il ? Là, de le repentir est une bonne action. Le repentir est une bonne action qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait pris dans les douloureux auparavant que parmi les choses que Allah il aime, c'est ceux qui se repentent. Ceux qui se repentent. ثم قال في سورة 31 و 500 و 1000 1731 question. كيف يعمل المؤمن إذا أصابته سراء أو ضراء؟ Comment le 1731 question. Comment se comporte le croyant lorsqu'il est atteint d'un mal ou d'une chose bonne? Dans le hadith de Abu Yahya Suhayb ibn Sinan, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Il a dit que c'est vraiment l'affaire du musulman, elle est surprenante, elle est étonnante. Car tout ton affaire n'est que du bien. Tout ce qui lui arrive n'est que du bien en réalité. Et cela n'est valable que pour le musulman. Que si jamais un bien le touche et qu'il le remercie, cela est meilleur pour lui. Que si un mal le touche, qu'il patiente, cela est meilleur pour lui. Donc, dans toute situation, il ne t'arrive qu'un bien. Tu remercies d'un bien. Cela est bien pour toi. Tu es touché d'un malheur et tu patientes, cela est un bien pour toi. Et cela n'est pas le cas du kafir, du mécréant. Thumma. Quand la fille Souel est sale et soit salassine ou khamsoumia ou elf. 1733e question. دليل ما الدليل أن المسلم عليه الالتزام بجميع أوامر الإسلام من جميع جوانبه. C'est quoi la preuve maintenant que le musulman doit se tenir à tous les ordres donnés en islam et délaisser toutes les interdictions, c'est-à-dire pleinement, il est en parfaite soumission, on va dire parfaite, la plus complète soumission. C'est quoi la preuve en cela? وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Il a dit, ô vous qui avez cru, rentrez pleinement en islam, pleinement, et ne suivez pas les pas de Shaitan, qui les sert pour vous un ennemi déclaré. Al-Baqarah, la vache, verset 208. Donc l'islam, c'est pas on prend une partie, on en délaisse une autre. Allah nous a ordonné de rentrer pleinement en islam. On prend tout ce qu'il y a en islam. Tout ce qui est obligatoire, on le fait comme on peut, et tout ce qu'on est interdit, on l'évite. Également autant qu'on peut. On ne choisit pas, ce n'est pas un menu au restaurant, ceci me plaît, je le fais, ceci ne me plaît pas, je ne le fais pas. Allah il a bien dit, on rentre pleinement en islam. ثم قال في السؤال 34 و500 و1000 1534e question. ما حال المجلس الذي لا يذكر الله فيه؟ C'est quoi maintenant la situation d'une assemblée lors de laquelle Allah n'a pas été cité. Dans le hadith d'Abu Hurayra, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم يقيم مجلس يقوم مجلس ولا يذكر الله فيه إلا قاموا على مثل جيفا حمار وكان لهم خسارة. Qu'il a dit qu'il n'y a pas de gens qui soient réunis dans une assise, puis qu'ils se lèvent de cette assise sans avoir évoqué Allah Azzawajal, sans qu'ils se lèvent comme le cadavre d'un âne, et qu'il sera pour eux cela un regret. Qu'il sera pour eux un regret de ne pas avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans le dunya, même dans l'au-delà. C'est-à-dire, les gens qui se rassemblent, ils parlent de tout et de rien, et à aucun moment le nom d'Allah Azzawajal n'a été évoqué. Et ça, on trouve chez qui? Chez les koufars et chez les gens de la dunya. Tu veux les voir parler de telle heure à telle heure, par exemple de football, ils vont parler du joueur un tel, du but marqué, du penalty, de l'erreur de l'arbitre, de tout. Et à aucun moment, il va nommer le nom d'Allah, Azza wa Jal. Ou des gens qui vont parler d'autres choses, de choses futiles, de nourriture, de vêtements, de voitures. Toute une conversation entière. Et Allah Azzawajal n'y a jamais été évoqué, ne serait-ce qu'une fois. Voilà Mustahan. Et là, on finit par la dernière question de ce livre, qui est la 1535e question. Maya kafarat al-majlis. Maintenant, c'est quoi l'expiation d'une assise? Quand quelqu'un il s'est assis, ils ont discuté, ils ont parlé de religion, comment est-ce que cette assise doit se conclure? Sur quelle parole? Dans le hadith de Abu Huraira, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man jalasa fi majlisin. فكثر في الأغطو que celui qui s'est assis dans une assemblée dans laquelle il y a beaucoup de bavardage, et qu'il a dit, avant de se lever, il a dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'il a dit Subhanallah, Gura Allah, et par sa wa bihamdik, et par ta louange, je témoigne qu'il n'y a nulle de divinité en droit de t'adorer ce n'est en dehors de toi. Je te demande pardon et je me repens à toi. Il est refusé dans la houm, ma kana min majesti zalika. Sans qu'il ne lui soit pardonné ce qui s'est passé à travers ou lors de cette assemblée. D'accord ? Il dit Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et le hadith est rapporté par Tirmidhi. Hada. Donc de là s'achève, alhamdoulilah, cette série d'audio. En espérant qu'Allah Azzawajal la rendra profitable et mubaraka. En premier lieu pour moi, son éducation, et pour les auditeurs. Akada. Et comme on l'a pris, on rentre l'islam pleinement. On applique tout ce que l'on peut. D'accord ? Et on demande à Allah Azzawajal de nous accorder le tawfiq dans nos paroles, dans nos actes et dans notre croyance. Et qu'il accepte de nous notre repentir. Wa nijalana min ahli al-jannah wa yaqina azabah. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين